Mesdames, Messieurs, nous vous invitons à écouter Colombe, comédie lyrique en quatre actes, texte de Jean Anouilh, musique de Jean-Michel Damaz. En voici la distribution. Madame Alexandra Joribouet. Colombe, Lina Dachary. Madame Georges, Marguerite Paquet. C'est Marc Vinteau qui sera Julien, Michel Sénéchal Armand, Jean Giraudot Dubartas, Joseph Perron, La Surette, René Terrasson, Émile Robinet de l'Académie française, Louis Noguera, Des Fournettes, Jacques Gillet, Le Pédicure et Jacques Pruvot, Le Coiffeur. Le texte de présentation est de Denise Vautrin. La mise en onde musicale est assurée par Evelyne Accard, assistée de Claude Jubier. Les interprètes et l'orchestre lyrique de l'Office de radiodiffusion télévision française sont placés sous la direction de Pierre-Michel Lecomte. Colombe a été créée à Bordeaux le 5 mai 1961, jouée sur de nombreuses scènes lyriques, et notamment à Paris. Jean-Michel Damaz a travaillé 3 années sur cette partition, en accord complet pour le texte avec Jean Anouilh, auteur de la pièce Colombe, représentée à Paris en 1951. Jean-Michel Damaz n'avait pas vu cette pièce, mais en la lisant en 1958, il s'en était pris si ardemment qu'il a souhaité en faire la transposition musicale. Il a écrit de ce fait son premier ouvrage scénique, et bien qu'il ait donné auparavant plusieurs œuvres lyriques radiophoniques. Jean Anouilh, qui édite ses pièces en pièces roses, pièces noires, pièces grinçantes, a classé Colombe parmi ses pièces brillantes. Le compositeur a donné à sa partition l'éclat et le débit scintillant qu'indiquait ce qualificatif, mais il a su également exprimer tout ce que le sujet comportait d'émouvant et de dramatique dans sa philosophie désabusée. La très jeune et très jolie Colombe est depuis 2 ans l'épouse de Julien, qui, à 25 ans, ayant épuisé tous les sursis, doit partir faire son service militaire. Or, un bébé est né l'an dernier, le ménage manque totalement d'argent et Julien se décide à venir demander pour sa femme et son fils l'appui de sa mère qui est riche et toute puissante. Il est le fils, en effet, de Madame Alexandra, comédienne, tragédienne, directrice de théâtre, idole des foules, monstre sacré de la belle époque, car l'action se déroule en 1899. Madame Alexandra était jeune sous le Second Empire, mais en scène, elle a toujours 20 ans. À la ville, outrageusement fardée, habillée d'excentriques falbalas, la voix sèche, le verbe autoritaire, elle se révèle femme de tête, assez privée de cœur, malgré qu'elle ait connu pas mal d'aventures pseudo-sentimentales. Un officier, par exemple, le père de Julien, et un jockey, et sa seule passion, dont elle a eu également un fils, âgé maintenant de 22 ans, Armand. Les deux garçons ont traîné leur enfance et leur prime jeunesse dans les coulisses du théâtre Alexandra. Julien, cependant, a trouvé le moyen d'apprendre sérieusement le piano. Aussi, rencontrant Colombe, l'épousant et voulant l'écarter d'un milieu qui lui fait horreur, est-il parti, voici 2 ans, croyant pouvoir gagner sa vie avec sa musique. Il va retrouver aujourd'hui l'entourage habituel de sa mère, le pédicure et Lucien le coiffeur, qui suivent automatiquement la tragédienne dans le secret de sa loge pour lui prodiguer leurs soins. Madame Georges, l'habilleuse, brave femme, pas très maligne, que 40 ans de métier ont définitivement privée de tout sens critique. Le secrétaire régisseur, La Surette, comédien raté qui double le cas échéant, la vedette défaillante et ne s'en montre que plus timide et sournois, humble et vindicatif. Le co-directeur du théâtre, Des Fournettes, l'homme d'affaires de l'histoire, ce qui n'empêche pas d'avoir ses petites faiblesses privées. Et puis, le poète attitré de la grande actrice, Émile Robinet de l'Académie française, qu'Alexandra appelle poète chéri, et qui lui rend la politesse en l'appelant, comme tout le monde d'ailleurs, Madame Chérie. Madame Chérie, glapissante et méprisante, refusera de voir Julien et, devant son entourage servile, lui ordonnera d'attendre dans le couloir. Ce couloir dessert les loges des artistes et le décor établi pour permettre une double audition montre à la fois l'intérieur de la loge somptueuse de Madame Alexandra et la partie de couloir où se tiennent actuellement Colombe et Julien. L'habilleuse, Madame Georges, leur tient compagnie. Colombe, très modestement vêtue, est assise sur une chaise. Julien fait les 100 pas. Asseyez-vous, monsieur Julien, c'est long d'attendre. Merci, Georges. Je t'ai déjà dit que j'étais mieux debout. On dit ça, et puis la jambe se fatigue. Mon aîné, il était comme vous, toujours debout. Qu'est-ce qu'il a maintenant? Des varices. Moi, qui suis toujours assise, c'est le contraire. C'est le derrière qui finit par se fatiguer. Je me fous de ton derrière, Georges. Je voudrais que la vieille arrive, et vite. La vieille, si c'est pas malheureux, appeler sa mère comme ça, dans un certain milieu. Et pas de morale, s'il te plaît. Entendez-le, entendez-le, c'est tout mon aîné. Avec le vôtre, Madame Julien, vous avez des satisfactions, j'espère. Il a un nom. À cet âge, ça ne s'est pas encore. C'est quand ça commence à aller à l'usine que ça devient dur. Il se porte bien au moins. Très bien, merci. Il faut le surveiller, Madame Julien. Lui donner de bons sirops. Il ne tousse pas au moins, le cher humain. Georges, mon fils ne tousse pas, ma femme ne tousse pas, et je ne tousse pas, fous-nous la paix. Va voir si la vieille est en bas. Il faut absolument que je la voie. 2 ans sans voir sa mère et s'être marié entre temps sans rien dire. Et puis tomber comme ça sans crier gare, juste avant la répétition. On va l'entendre tout à l'heure. On est habitué, mais tout de même, ça va donner. Qu'est-ce qu'elle joue en ce moment? L'impératrice des cœurs. Mais ce qu'on répète en ce moment, la femme et le serpent de monsieur poète chéri. Yes, poète chéri. Et vive Robinet de l'Académie française, le poète à maman. Il l'appelle Madame Chérie, elle l'appelle poète chéri, il faudra t'y faire. On se chérit beaucoup au théâtre. Tu crois qu'elle va faire quelque chose pour nous? Ce sera dur, mais étant donné les circonstances familiales et patriotiques, il faudra tout de même qu'elle y passe, la vieille, je te le jure bien. Quand tu parles d'elle ainsi, je sais, j'aurais bien voulu, moi aussi, qu'on m'ait appris à dire maman, et que ce mot me touche le cœur. Pourquoi aime-t-elle ton frère, et pas toi? Armand est le fils d'un joker qui a été sa seule passion. Armand est venu après moi, il a été plus joli, plus près d'elle. Il a tout de suite appris à traîner dans les coulisses et à se faire embrasser par les dames. Moi, je lui rappelle un peu trop mon père, exigeant et grognon. Il faut avouer que tu n'es pas facile à vivre non plus. Ou bien tu te fâches, ou bien tu te tais. Qui c'était ton père? Un officier au Maroc. Un de ces hommes que l'on trouve impossibles et qui le sont sans doute. Le goût de la rigueur, de la probité, de l'honneur poussé un peu loin, avec tout ce que cela comporte de désagréable pour les autres. Par ce génie des misanthropes pour dénicher les femmes qui doivent les faire souffrir. Il est tombé amoureux de maman pendant une tournée qu'elle faisait là-bas. Il a cru qu'elle serait la femme de sa vie. Elle lui a donné 3 semaines de plaisir et puis elle l'a quitté pour le comique de la troupe. Papa était un homme qui prenait l'existence au sérieux. Il a soigneusement astiqué son grand revolver d'ordonnance et il s'est fait sauter le caisson. Elle m'a mise au monde en rentrant à Paris. Voilà. C'est tout de même ta mère. Si tu avais voulu lui demander, je suis sûre qu'avec ses relations, elle t'aurait fait réformer. Colombe, mon chéri, je n'ai que toi au monde. Tu sais que je vais crever de te quitter. Mais tu sais aussi que tu ne pourrais plus m'aimer si je faisais quelque chose de laid pour te garder. Mon chéri, je pourrais très bien t'aimer quand même moi. À moi, et je tiens à pouvoir me regarder dans ma glace le matin me rasant. Oh, comme tout est toujours difficile avec toi. Elle est en bas avec les étudiants qui lui demandent des autographes. Julien, tu sais ce que tu viens lui demander. Sois aimable, je t'en supplie, sois poli pour le petit et pour moi. Cette fois, je casse son théâtre. Anna, ouvre-moi. Fais-moi ouvrir tout de suite. Je casse la porte. Madame Alexandra, place au théâtre. C'est la grande scène des trois avec votre fils adoré. Être une mère sublime encore une fois. Madame Alexandra, votre public vous réclame. Madame Alexandra, faites votre entrée. Madame fait dire à monsieur qu'elle ne peut pas recevoir monsieur. Elle a répétition. Madame Alexandra, je suis calme. Je suis étonnamment calme, mais je ne veux pas discuter avec votre pédicure. Faites-moi l'honneur de venir apprendre en personne pourquoi votre fils veut vous voir. Qu'il sorte de ma loge et qu'il attende dans le couloir. Bien, maman, je vais attendre dans le couloir, maman. Je suis calme, non, il me semble que j'ai été poli. La surette, madame chérie. Qu'est-ce que c'est que ce courrier? Benoisseau envoie sa facture pour les costumes de l'impératrice. C'est la 3e fois qu'il réclame. Qu'il attend. Après. Une note des machinistes qui demandent une augmentation de 5 francs par mois. Refusez ! Après. L'œuvre des petits orphelins du spectacle est écrite pour sa quête annuelle. 20 francs. L'aide aux étudiants tuberculeux demande un envoi pour sa fête de charité. J'ai déjà donné aux étudiants. Ceux-ci sont les étudiants tuberculeux. Où ils sont tuberculeux. Il faut s'entendre. Maman. Après. Maman. Un jeune homme de Toulouse qui dit qu'il vous a vu dans l'impératrice et qu'il veut se tuer pour vous. C'est bien. Vous remercie. Maman, ouvre-moi! Maman! Vous avez entendu? J'ai dit après! Les sapeurs-pompiers, madame chérie! Qu'est-ce qu'ils veulent, les sapeurs-pompiers? Il n'y a pas le feu! Leur fête annuelle au profit! Au profit! Toujours au profit! Il ne peut se qu'à profiter tous ces gens-là! Est-ce que j'en donne, moi? Des fêtes, envoyez des fleurs, toutes les fleurs que j'ai reçues dans la semaine. Maman! Des fleurs aux pompiers. Maman! Vous êtes sourd. Madame chérie, certaines corbeilles sont déjà un peu fanées. Justement, ils les arroseront, ils adorent ça. C'est assez maintenant, je suis fatiguée. Nous reprendrons le courrier après la répétition. Je vais me maquiller. Bien, madame chérie, quand vous voudrez. Regarde. J'en ai assez, tout est trop laid. Nous repartons. Julien, par exemple, d'où sors-tu? Mais qui est-ce? Ma femme, mon frère Armand. Comment? Vous vous êtes marié pour de bon? Où étais-tu, sacré Julien? En Amérique! À Belleville, je donnais des leçons de piano. Alors, tu viens faire la paix avec la maman. Je vais arranger cela. Je ne crois pas, nous repartons. Pas très monsieur, bien, au revoir. J'ai été monté en passant. Il était venu pour essayer de voir sa mère. Je te défends, calme! Nous avons un petit bébé, monsieur, et Julien. Militaire, il était venu lui demander de s'occuper de nous. Et comme elle n'a pas accepté de nous recevoir tout de suite, il voulait repartir. Aide de moi, toujours le même. Laisse-moi faire, je vais m'en occuper. Dans 5 minutes, cette nymphe et son moutard sont casés. Et tu pourras partir le cœur léger, nous lui défendre sur les frontières. Madame d'Amant, je vous salue. Comme il est gay, lui, tu vois que j'ai bien fait de lui parler. Laisser seule, la vie n'est pas comme tu crois. Je sais, mon chéri. La vie est grave, la vie est humble, colombe. La vie n'est pas dans les gestes qu'on fait. Oui, je sais, tu me l'as expliqué. Tu vas les voir, tout ce qui va t'éblouir en est faux. Oui, Julien. Je sais que ton cœur est bon. Fais des efforts pour comprendre ce que je t'explique, mais pris à des pièges terribles. Oh, j'ai pris peur. Ne ris pas, écoute, petit oiseau, c'est difficile, je vais être loin. Je serai impuissant si tu m'aimes précisément. Mais je t'aime, mon chéri, je n'aime que toi. Oui, peux-je te croire de toutes mes forces en ce moment? Alors si tu m'aimes, tu m'écoutes bien. Tu regardes ailleurs. Je regarde ailleurs, mais je t'écoute, mon chéri, de toutes mes oreilles. Écoute et tâche de comprendre, colombe. Tu es ma femme et tu as accepté de me suivre et d'être belle il y a 2 ans. C'est vrai cela? Oui, mon chéri. Tu as tout accepté parce que je t'ai parlé et que tu m'as cru. Oui, mon chéri. Un petit garçon. Avec ses couches et ses biberons, et les doigts rouges avec les longes et la vaisselle, et toute la pauvre petite vie de tous les jours. Tu n'étais pas obligé, et pourtant tu as accepté. J'ai accepté. Chérie, que je suis ta femme, c'est parce que je t'aime. J'essaie toujours d'être comme tu le veux, tu le sais bien. Il va revenir. Je veux te dire quelque chose encore. Tu n'aimeras pas Armand si tu dois le revoir. Mais il est très gentil. Comme tout est compliqué avec toi, mon chéri, il faut toujours que je me méfie. Et pour moi, tout est tellement plus simple. Tout le monde est gentil, il n'y a rien de laid, et j'ai seulement envie. Comment s'appelle-t-elle cette jeune beauté? Colombe, messieurs! Je te remercie, Armand, tu es très bon. Mais non, je ne suis pas très bon. Cher ours, tu le sais aussi bien que moi. Seulement ta femme est ravissante. Et tu es mon frère, après tout. Allons, suivez-moi, rougissante Colombe. C'est beau. Chez maman, la grandeur, tout est faux. Attendez-moi bien sagement. Asseyez-vous sur ce pouf ridicule. Une seconde. Colombe. Oui. Tu m'as juré. Oui. Tu es insupportable. Tais-toi. Admirable. Vous trouvez génial, je ne trouve pas d'autre mot. Oui, je crois que je tiens mon becquet. Le cinquième acte va être éblouissant. Vous êtes là, madame chérie. Poète chérie a fait son becquet. C'est génial. N'exagérons rien. Je crois tout simplement que ce n'est pas malvenu. Eh bien, où est-il ce becquet? Et cette petite, où est-elle? Oh, elle est ravissante. Bonjour, mon petit. Pas chérie. Madame chérie, notre gloire nationale. Quand je pense que c'est si gentil avec tant de génie. Bien dormi, au moins. Pas dormi, madame chérie. Le becquet. Oh, le becquet, c'est vrai, le becquet. Les muses me l'ont fatigué. Il est tout pâle, mon poète. À frotteil, tout de suite pour mon poète. Non, pas pour moi. Je veux écouter mon poète à ses pieds. Madame chérie, c'est à vous, c'est à votre génie que je dois tout. Je ne permettrai pas. Il est gentil, il répond comme le bon peut. Il faut encore que je l'embrasse. Grand, grand poète, et qui ne le sait même pas. Madame chérie, grande, grande artiste, inoubliable. De fauteuil alors, de fauteuil. Je vous écoute, poète chéri. Je commence. L'une amie, astre mort et froid, comme mon cœur. Dieu que c'est beau, Dieu que c'est beau cela, Dieu que c'est bien dit. Mort et froid. Comme mon cœur. Lucien, bougre d'âne, vous m'avez coiffé comme un caniche. Arrangez-moi ces boucles, je vous écoute, poète chéri. Et contre-je à tes yeux le fiel de ma rancœur. Ce sont les fausses, madame. Amoureuse déçue, amante magnanime. J'aime mieux cela. Vous n'aimez pas le début, madame chérie. Non, je parle des boucles. C'est très beau, poète chérie, c'est admirable, continue. J'hésitais dans mon cœur. Là, je prendrai la mort. Tant de haine anime. Que tant de haine anime. Bien sortir le hache, je vois cela. Qui vous a acheté cette robe ridicule? Julien, madame, l'imbécile, continuez, poète chéri. La fleur de mon amour, Georges, à la mort, je te sens madame chérie, et tubéreuse s'endormie de ce parc. Mon cœur trop hésitant, il faut que tu te prononces. Armand, toi qui as du goût, t'es-tu déchiré, cœur, mon cœur, personne, quel mal as-tu pour guider sur le chemin. Madame chérie, vous devriez me la mettre dans le bec, cet enfant. Quatre vers. Ah bon, merci bien, j'ai compris. Comme cela, c'est le théâtre qui paiera. Père des fourmettes, vous êtes un père, vous n'êtes rien. Je suis co-directeur de ce théâtre. 50-50. Vous avez assez d'argent pour entretenir votre bruit en moi. Vous me raflez déjà la moitié de ma recette. Immonde, vous me dégoûtez. Moi, je me dis, c'est mon corps. Je suis un homme d'affaires. Ce sont mes tripes. La pièce est je vous admirerai. Pour rien, vous vous mettez à être grossier maintenant. C'est bien. Madame chérie, nous passons le 22. Nous ne passerons pas le 22. Voilà tout. Il faut absolument passer le 22. Descendez répéter, c'est entendu. Je prends la petite. 7 francs par représentation, les matinées doubles. Mais ce n'est pas raisonnable. Si elle ne dit que 4 vers le elle tarif. Elle en dira 12, voilà tout. Eh bien, c'est entendu. Elle aura ses 7 francs, même si elle ne dit que 4 vers, même si elle ne dit rien du tout. Mais descendez répéter, madame chérie. Armand, tâche donc de lui trouver une robe, qu'elle ne descende pas ainsi fagotée sur le plateau. Poète chéri, grand poète, il est admirable, votre béquet, bravo. Seulement, vous ne savez pas ce que je ferai à votre place. Je supprimerai les 6 premiers vers. Mais cela m'enlève les tubéreuses. Importe, on les prétèverait dans les bases. Cela fera encore plus d'effets. Thank you. c'est moi, a répété Colombe en se contemplant dans le miroir, vêtue d'une robe de théâtre prêtée par Madame Alexandre. Jusqu'alors, Julien était le seul à dire « moi ». Il voulait que Colombe soit telle qu'il l'imaginait, pure, loyale, sérieuse et réfléchie. Mais 48 heures déjà, après le départ de Julien, la liberté, le laisser-aller du théâtre, les confidences extravagantes et les conseils perfides de Madame Alexandra commencent à faire miroiter aux yeux de Colombe la possibilité d'un bonheur léger et frivole auquel aspirait sa bonne petite nature opportuniste de femme-enfant. Être courtisée par le grand acteur du Bartas, par le co-directeur des Fournettes, par Poète Chéri, est-ce que ce n'est pas amusant? Évidemment, ces messieurs sont un peu défraîchis et ils parlent, parfois avec exaltation, d'un verre de Porto et de deux biscuits offerts à domicile. Mais Colombe sait si bien rester candide. Et le frère de Julien, Armand, est jeune, lui, gai, charmant, affectueux, attentionné au point de faire répéter à Colombe le rôle tout neuf qui lui a été confié. Armand donne la réplique, et si le jeu de scène comporte un baiser, eh bien, tant mieux pour les amours. On essaiera de ne pas faire trop de peine à Julien. Ces différentes scènes du deuxième acte se déroulent sur le plateau du théâtre Alexandra, nu, mal éclairé, avec des portants en désordre qui créent un décor fantasmagorique. Colombe attend la répétition. Elle porte toujours sa pauvre petite robe de ville. Mais voici le célèbre comédien du Bartas. Il fait une noble entrée. Grand feutre, fleur à la boutonnière, légèrement argenté, mais éternellement jeune. Bonjour mon petit, vous êtes la première. Madame chérie est déjà là, monsieur du Bartas. Diable, exact notre vedette. Qu'est-ce qui se passe? J'étais venu tôt pour bavarder un peu avec vous. Cela rentre le métier. Madame chérie, dis que j'ai fait des progrès. C'est très joli mon petit, ce que vous faites. Encore un peu maladroit, mais très joli. Il faudra passer chez moi après une répétition. Je vous ferai travailler. C'est vrai, monsieur du Bartas. Un doigt de Porto, deux biscuits, nous bavarderons, vous verrez. J'ai une très jolie garçonnière. Tout est marocain. Je suis fou, mon petit. Je n'ai pas dormi de la nuit. Il faut dormir, monsieur du Bartas. Impossible, je vous voyais coucher sur ma peau de tigre. Devant le grand feu de bois, j'ai gémi toute la nuit comme un damné. J'ai bu affreusement pour oublier. Je me suis drogué, rien à faire. Vous étiez là et je ne pouvais pas. Au matin, je me suis endormi, terrassé, et traînant le vide, mon valet de chambre m'a trouvé couché par terre devant le feu éteint. Vous avez un valet de chambre? Oui, un Marocain, tout en blanc, avec un turban rouge. Ce qu'il doit être beau! Il s'inclinera devant vous, les bras croisés sur la poitrine. Il vous servira comme une reine, sans un mot. Il est bleu! Quand il le faut, comme tous les Marocains. Venez donc en simple curieuse, je m'habillerai en Marocain, moi aussi,

j'ai ma brochure, elle ne me quitte plus. Prenons la fin qui n'allait pas hier. Avant que les grandes personnes envahissent. envahissent le plateau. Deux mois s'écoulent. Un soir, Julien est dans son uniforme militaire, débarque au théâtre. Permission de 24 heures. En réalité, il a reçu une lettre assez perfide du régisseur La Surette. Colombe a un amant. Mais La Surette est incapable de préciser s'il s'agit d'Armand, de Dubartas, de Poète Chéri ou de Desfournettes. Que Julien se cache dans la loge de sa femme et qu'il surveille ses agissements. Julien ne sait pas jouer ce jeu-là. À peine entend-il la voix de Colombe qu'il sort de son placard. La jeune femme fait un charmant accueil à son mari. Elle plaisante, le taquine gentiment, se dit contente de son métier d'actrice. Soudain, Dubartas vient frapper à sa porte. « Fais attention, mon petit chat !» Puis Desfournettes. « Fais attention, mon petit rat !» Enfin, Poète Chéri. « Fais attention, mon petit loup !» Julien prend fort mal ses tendres noms d'animaux, ses recommandations de prudence et plus encore l'attitude de Colombe qui s'enferre dans de maladroits mensonges. La scène de ménage éclate, émouvante de vérités subjectives, d'incompréhension mutuelle, de duplicité féminine de la part de Colombe. Au comble de la jalousie et du mépris, Julien finit par gifler sa femme qui tombe évanouie. Madame Alexandra intervient pour s'entendre elle-même insultée par son fils. Le cri de « En scène pour le 1 !» ranime miraculeusement Colombe, qui, avec l'aide de la billeuse, gagne précipitamment le plateau. Le décor de cet acte 3 est à nouveau celui du couloir desservant les loges d'artistes. Mais cette fois, la loge de Madame Alexandra est fermée et c'est celle de Colombe dont l'intérieur est visible. Une coiffeuse, deux chaises, un paravent qui cache sans doute la table de toilette, un placard. Madame Georges est assise à sa place habituelle dans le couloir. Julien va et vient. Il porte l'uniforme militaire d'avant 1914, capote bleu marine au coin retroussé, pantalon garance et képi à pompons. Il ouvre la porte de la loge de Colombe, constate qu'elle est vide, referme la porte. C'est sa loge. Oui. Il n'y avait personne à la maison. Revenir comme ça sans crier gare, c'est qu'on ne s'y attendait pas nous autres, monsieur Julien. Nous avons eu une permission de 24 heures. Je n'ai pas eu le temps d'avertir. On n'a pas toujours son temps. Il y avait une femme à la maison, la belle-sœur de la concierge. Quelle paix maintenant pour garder le petit le soir. Vous voyez, monsieur Julien, vous pouvez être tranquille. Il a tout ce qu'il lui faut de chez lui, mais pour cela, madame Julien, elle est parfaite. On lève dans 10 minutes. On lève dans 10 minutes. Oui, madame n'est pas encore là. Madame Julien non plus. Je ne veux pas le savoir. Je fais mon métier, moi. je ne dîne pas en ville. On lève dans 10 minutes. On lève dans 10 minutes. Ah, monsieur Julien, ça c'est une surprise. Vous avez donc une permission? Oui, tu vois. Alors vous revenez prendre un peu l'air du théâtre, monsieur Julien? Oui. J'ai reçu ta lettre, la surette. Ah oui, déjà, monsieur Julien. Hier soir, je te remercie de m'avoir écrit. Les nouvelles du théâtre, quoi? J'ai pensé que vous aimeriez être au courant. Alors entrons là, ce sera vite fait. Moi je veux bien, mais je vous préviens que c'est sa loge. Pièce, parle ou je t'assomme. Tout de suite, comme ça, tous les mêmes. J'assomme, je tue n'importe qui. C'est débutant. C'est pas si simple, c'est un vrai rôle tout en nuances. Le cocu, c'est tout un métier à s'entrer dans la peau. Je t'étrangle si tu ne parles pas. Et après, vous seriez bien avancé. Tu ne peux pas me dire non. Non, ils sont quatre. Quatre? Possible, pas sûr. Ce serait trop beau. Armand Dubartas, poète chéri, oui, de l'Académie française, et Monsieur Desfournette lui-même, le directeur. C'est du beau monde. Elle va arriver, je l'interrogerai. Mon jeune homme, comme cela, vous êtes sûr de ne rien savoir jamais? Mais Colombe m'aime, moi. C'est possible, mais n'allez pas croire que cela va simplifier votre cas. Elle va entrer dans une minute, vous sourire, vous embrasser, et prenez garde. Qu'est-ce qu'il faut faire? Vous cacher d'abord. Le cocu doit voir sans être vu. Dans l'armoire, comme tous les cocus. En scène pour le Rhin. En scène pour le Rhin. Ne beuglez pas comme ça, imbécile. On lèvera quand je serai prête. C'est encore vous qui doublez Trouazac ce soir. Oui, madame chérie. Ça va être tu. En scène pour le Rhin. En scène pour le Rhin. Poitiers, Poitiers. Jean, Jean. Trouvez Julien. Mon chéri. Sors-tu du placard? Pourquoi étais-tu dans le placard? Pour te faire une farce. Mon chéri, mon chéri, quel bonheur! Comme cela était long, tu sais. Plus long encore que tu ne peux l'imaginer. Mais toi, tu étais occupé. Tu avais quelque chose à faire. Les batailles, les charges, le demi-tour réglementaire, le salut aux officiers. Ta petite femme était toute seule. Elle a t'attendre. Comme c'est bon, comme c'est bon que tu es bon en soldat. On dirait un général. Pas encore, ils t'ont fait beaucoup marcher. Mon chéri, assois-toi, tu dois être si fatigué. Et vous devez faire vous-même votre linge et votre ménage, ce doit être du joli. Naturellement, tu n'as pas eu le temps de penser à moi. Si, tout le temps, et le petit. Il va bien. Comment trouver-t-il mon petit ensemble noisette? Très joli, mais cela doit valoir très cher. Oh non, presque rien. J'ai trouvé une couturière qui me fait des prix. Je la paie au crédit. D'ailleurs, je gagne beaucoup. Tu sais, maintenant, je vais pouvoir t'envoyer des petits mandats pour faire le garçon au pont de Chalon. Tu iras les manger avec les filles. Il n'y a pas beaucoup de filles, tu sais, au camp de Chalon. Oui, oui, je me suis renseignée. Il y a les permissions de minuit. Vous devez en faire de belles. Je suis sûre que tu m'as trompée. Ne me dis pas non, tu mentirais. Non, pourtant, et toi, Colombe? Oh, mon chéri, moi, tu veux rire? Je n'en aurais même pas eu le temps. J'ai 25 verres dans la nouvelle pièce. Il a fallu travailler dur. Tu vas venir applaudir dans la salle. Tu me verras en marquise. Tu ne la reconnaîtras pas, ta femme. Oh mon chéri, mon gros petit chéri, comme c'est bon que tu sois venu. Tu as bonne mine. De ne pas se voir un moment parce qu'on est content de se retrouver. Tu veux bien que je me déshabille, on va le faire tout de suite. Je suis en retard. Tu vois combien de jours de permission? 24 heures. 24 heures seulement. Mais mon chéri, cela va être terrible. Justement, ce soir, je suis invitée à souper par des gens très importants pour moi. Ce serait trop long à t'expliquer maintenant. Et demain, je répète tout l'après-midi. Tu n'iras pas souper avec ces gens, voilà tout. Mon petit Julien, c'est impossible. Tout mon avenir est en jeu. Il s'agit de gens très influents, tu comprends, qui peuvent me faire engager en folie bergère. Ne me parle plus de ces ordures. Tu rentreras avec moi ce soir, Colombe. Naturellement, tu n'es pas encore revenu et il faut déjà que tu cries. Oui, je crierai, et je casserai tout s'il le faut. Mais je te jure que ça ne se passera pas comme ça. Mais quoi, mon chéri? Tu sais très bien ce que je veux dire. Ne fais pas l'innocente. Là, mon petit chat, je voulais te dire de faire très attention. Oh, pardon. Pardon. Bonne permission. Oui. Bravo. Tu sais le béquet, mon petit chat. Oui, monsieur Dubartas. Bravo, bravo. On l'essaie ce soir. Pourquoi t'appelle-t-il, mon petit chat? Je ne sais pas, parce qu'il est très gentil. Il m'a beaucoup aidé pour mon rôle. Il te tutoie. Tout le monde se tutoie au théâtre. Ce n'est pas à moi de te l'apprendre. Il tutoie aussi ta mère. Vous êtes là, mon petit rat. Allons bon, un rat, maintenant. Je voulais vous dire de faire très attention, mon petit rat, parce que... Oh, pardon. Pardon. Pardon, pardon. Je je venais faire une recommandation à ta femme. Je voulais vous dire qu'on levait à l'heure aujourd'hui. Pas de retard, n'est-ce pas? Pas de retard. Mon petit rat, cette vieille loque, c'est ignoble! Tu vois le mal partout. Tu ne veux pas qu'on me traite de chat. Tu ne veux pas qu'on me traite de rat. De quoi veux-tu qu'on me traite enfin? Je ne peux pas pourtant exiger qu'il m'appelle madame. Pourquoi es-tu devenu l'amie de cette faute? Je ne suis pas leur amie. Je les vois tous les jours. Je travaille avec eux, voilà tout. Et puis, c'est pour toi, comme tu dis, mauvaise. Je n'ai pas eu si souvent l'occasion de m'amuser jusqu'ici. Ce n'est pas vrai, ils ne peuvent pas t'amuser. Comment peux-tu le savoir? Parce que je te connais mieux que toi, Colombe. En es-tu sûr? Oui. Et je te jure que tu finiras bien par te ressembler, que tu le veuilles ou non. Mon pauvre Julien. Donc vous êtes là, mon petit loup? Oui, je suis là! Oh, pardon, pardon, mille pardons. Je voulais seulement vous dire de faire attention. Mais non, rien, rien du tout. Je ne sais plus ce que je dis. Ou plutôt si, c'est l'énervement. Le roi d'Espagne est dans la salle. Jouez bien, petite madame, ce soir. Je vous laisse vous habiller. Un loup, maintenant, ils y passeront tous. C'est une fable de La Fontaine. Mon petit chat, mon petit rat, mon petit loup. Quoi encore? Et à quoi veulent-ils que tu fasses attention? Tous, à moi, n'est-ce pas? Qui est-ce? Mais qui, mon chéri? Ton amant. Julien, tu rêves. Je n'ai pas d'amant. J'aime son nom, je veux son nom tout de suite. Dis-le. Mais mon chéri, comment veux-tu que je te dise non? Inutile de nier, Colombe, j'ai des preuves. Je sais que tu as un amant. On t'a vu, on t'a suivi, on m'a écrit. Qui va vous écrire? Tu vois, tu as peur, tu te troubles. Inutile de jouer l'étonnement plus longtemps. J'ai une lettre dans ma poche où l'on me dit tout. À vous maintenant. Je veux savoir qui t'a écrit. Cela ne te regarde pas. Anonyme, bien sûr. Tout le monde serait dans ce métier. Tout le monde se jalouse. Interroge-les comme un policier. Maintenant que tu as commencé, va glaner les ragots dans la loge du concierge ou dans les coulisses. Ce n'est pas un amant qu'on me prêtera, c'est 10. Encore heureux si ce n'est pas des fils. La lettre anonyme, c'est leur passe-temps. En attendant des rôles qu'on ne leur donne jamais. Toi qui as traîné dans les coulisses tout petit, je pensais que tu aurais appris à les connaître. Mais c'est plus facile de croire tout de suite une saleté plutôt que de faire confiance à sa femme. La première chipie, le premier maniaque qui pique ta jalousie imbécile et ta vanité plaisir, c'est lui qui rend raison. va-t-on marcher l'hiver sans gants, avec trois flancs, pour me proposer une autre vie plus heureuse? Il est rôde, il est sorti, et tout ce dont j'avais envie, si j'avais voulu te tromper avec eux, tu crois que j'aurais eu besoin d'attendre ton départ? Et son serviteur De ce genre avec des fournettes, des conversations sur les caleçons de poètes chéris. Je vais t'expliquer, mon chéri. Tu n'es pas monté dans son bureau tout de même, sur le sale petit divan vert plein de taches, où il est fait payer comptant tout pour jouer chez lui. Oh, que aussi, une fois. Attends, tu ne me laisses pas t'expliquer. Eh bien oui, tiens, c'est vrai, c'est un dégoûtant personnage. Je ne voulais pas te le dire, mais tant pis, je te l'abandonne celui-là. Il a essayé, oui, il a essayé comme aux autres. Je me suis défendue, tu sais, je l'ai giflé. Alors, comme il a cru que je lui préférais l'autre, dans un moment de jalousie, c'est là qu'il m'a dit pour les caleçons. Tu vois, mon chéri, que c'est vrai ce que je dis. Putain, sale petite putain, comme les autres, j'aurai sa peau à celui-là. Laissez-moi passer. Je cherche des fournettes. Alors, il faudra toujours que tu emmerdes tout le monde, que tu cries, que tu fasses des scandales partout. J'ai eu pitié de toi, j'ai pris ta femme. Tu ne peux nous foutre la paix maintenant. C'est vous tous qui lui avez appris à devenir ce qu'elle est. C'est toi, avec tes sourires de maquerelle sur ta vieille peau, tes vieilles histoires d'amour puante. Elle était pure, elle était propre comme un petit sou. Vous l'avez touchée, vous l'avez tous touchée. Je vous ai tous. Je suis ta mère, c'est toi. Ma mère. Tu es ma mère, malheureusement tu es ma mère. Alison, toi, et fais-te descendre la petite enseigne, évanouie ou pas. Enseigne-moi ! Enseigne-moi ! Enseigne-moi ! Enseigne-moi ! Je ne suis pas trop décoiffée. Non, ça va mon petit ange, venez vite, je vous mettrai votre robe en bas. Julien est resté seul dans la loge de Colombe. Au bout d'un moment, Armand est apparu, un petit bouquet à la main. Et Julien, tout aussitôt, a éprouvé une certitude. L'amant de Colombe, c'est lui, Armand, son frère. Le jeune homme, d'ailleurs, n'a pas cherché à nier. Il a parlé de facilité, d'occasion. « Je ne comprends pas », répète Julien à longueur de soirée. Il est désemparé, il souffre, il sent bien qu'il ne peut pas se passer de sa femme, qu'il ne veut pas la perdre. Il va s'efforcer de la reconquérir, mais Colombe refusera de reprendre sa vie d'autrefois, obscure et méritante. Elle veut pouvoir rire et être aimée gaiement, avoir des petits plaisirs et des petits cadeaux. La grandeur d'âme de Julien l'ennuie profondément. Et Madame Alexandra, dans son vigoureux langage, donnera raison à sa belle-fille. La Colombe épousée il y a 2 ans n'existe plus que dans le souvenir de Julien. La rêverie nous la restitue au son d'une valse de naguère, cette petite Colombe d'il y a 2 ans. le premier jour de sa rencontre avec Julien. Elle venait au théâtre livrer une corbeille de fleurs. Elle avait 18 ans, la mine innocente, une robe de 4 sous. Julien était là, solitaire, un peu triste, déjà farouche, jouant du piano. Tout de suite, ils se sont fait confiance. Ils sont partis ensemble vers leur destin qu'ils ignoraient, mais que nous connaissons, nous, puisque nous avons vu la pièce. Ainsi, le quatrième acte comporte-t-il en épilogue le prologue de l'aventure. Il débute d'autre part par une action théâtrale extérieure au sujet. Il s'agit d'une pièce jouée devant le public du théâtre Alexandra, par Madame Alexandra elle-même dans le rôle de la maréchale, par Dubartas, Monsieur de Mortemar, par Colombe, la marquise, et par le régisseur Lassurette qui, en doublure, incarne ce soir le maréchal de Villardieu. Tout cela dans un décor Louis XV façon 1900, un salon, une terrasse, un parc lunaire. Quand la représentation de la maréchale d'amour sera terminée, les machinistes éteindront les lumières, enlèveront les meubles et les portants. Peu à peu, la scène se dépouillera de son prestige. Les illusions de Julien s'envoleront en même temps que le joli décor montera vers les cintres. Et c'est sur un plateau dénudé que viendra se créer l'illusion de ce qui s'est passé là, 2 ans auparavant. Voici donc la scène finale de la maréchale d'amour. Alexandra et Dubartas, en costume Louis XV, jouent avec toutes les conventions, toutes les exagérations et tout le mauvais goût possible, avec quelques rhumatismes en plus. Ils obtiennent un énorme succès. Je n'osais pas, et j'ose, tu vas voir. genoux. Monsieur le maréchal, je l'aime. Mon courroux de ce jeune imprudent pourrait venger la fille. À vos ordres, monsieur le maréchal. J'envie l'impétueuse ardeur de ce jeune officier. Le service du roi, monsieur, veut que l'acier que porte à son côté un maréchal de France ne puisse lui servir à venger une offense. Monsieur de Mortemart, apprenez-le de moi, nos épées aujourd'hui appartiennent au roi. J'arrive de Versailles en crevant ma monture. La guerre est déclarée. La guerre. La guerre. La guerre. Aujourd'hui l'aventure n'est plus dans les boudoirs. Les dames et l'amour seront pour d'autres soirs. Elle est au bord du Rhin pour défendre la France. La France. La France. Oui, monsieur. Et ce nom-là, je pense, est un nom que tous deux nous pouvons adorer sans crainte de jamais nous entre-déchirer. Monsieur le maréchal, tant de noblesse. Armance, ne lui en veuillez pas s'il préfère la France. Ce jeune homme a du cœur, il vient de le prouver. C'est bien, partez tous deux et laissez-moi pleurer. On ne dispute pas une telle maîtresse à des cœurs valeureux. Je sais votre détresse. Je souffre aussi, madame, et vous aimez. Pourtant, adieu, venez, monsieur. Adieu. Oublie mon amour dans les bras de l'amour. Viens, allons toutes deux.

je l'aimais, maman, je l'aime, je l'aimerai toujours. Ton père aussi pourrait t'aimer toujours, et c'est bien cela qui m'a fait peur. Mais qu'est-ce que cette manie de vouloir que ce soit pour la vie, l'amour? Qu'est-ce que ça signifie d'abord pour la vie? Les chapeaux, les chaussures, les bijoux, cela se change. Et tu voudrais qu'il n'y ait que les sentiments qui ne changent pas. Ce sont des foutaises, mon garçon. S'il avait débuté comme moi à 13 ans, aux folies bergères, ton pauvre colonel de père, il ne se serait pas suicidé. Il aurait appris à le mettre à sa vraie place, l'amour. Mais je l'aime. Bon, c'est en fait, mais elle ne t'aime plus. C'est un autre fait qui est tout aussi valable que le premier. Alors, qu'est-ce que tu veux qu'elle fasse? Qu'elle fasse semblant de t'aimer toute la vie, parce qu'il se trouve que toi tu l'aimes. Qu'elle s'embête pendant 70 ans, parce que tu as décidé que toi, cela te ferait du mieux. Je lui ai tout donné. Des tripes, tu ne lui as donné que des tripes, comme ton père, et elle a envie de changer de menu. C'est son droit. Il me semble. Va donc te coucher et retourne jouer aux petits soldats demain matin. Là-bas, ils en demandent des tripes. Plus tu m'en donneras, plus tu seras la fée. La France en fait grande consommation de tripes. Elle en a toujours besoin. Pas nous. Allez, viens, Georges, tu as ma couverture. Voilà que cela me reprend dans le genou droit. C'est peut-être un peu d'argent que tu voulais me demander. Non, maman, pas d'argent. Merci. À ton aise. Bonne chance. Et si tu ne veux pas finir comme ton père, tâche d'être un peu moins embarrant, mon garçon. Nous sommes reportés 2 ans en arrière. Julien est au piano. Colombe paraît vêtue comme une midinette, portant une grande corbeille de fleurs. Je vous demande pardon, monsieur. La loge de Madame Alexandra. C'est au premier, mon petit, mais vous pouvez l'attendre ici. C'est une si grande artiste. Cela me fait tout drôle de penser que je vais la voir. Quand vous la verrez vraiment, cela vous fera encore plus drôle. Elle est très belle, n'est-ce pas? Ouais, comme un monument historique. Le palais du Louvre, vous aimez ça, vous? Vous êtes bien méchant avec elle, si elle vous entendait. Elle a l'habitude. Je suis son fils. Vous, mais elle est jeune Vous voyez bien que vous mentez. Pourquoi? Parce que vous êtes très jeune. Vous? Je n'aime pas beaucoup les compliments, mais vous, en revanche, vous êtes bien jolie. C'est amusant d'être fleuriste. Pas toujours, autant qu'aujourd'hui. On doit voir du monde. Oui, mais vous savez, c'est toujours les vieux messieurs qui achètent des fleurs. Je viendrai vous en acheter, moi, quand je serai riche et je vous les donnerai. C'est vrai? Oui, on ne vous en donne jamais de fleurs. Jamais? Votre bonne amie. Je n'en ai pas. Alors, venez, je commence tout de suite. Oh, ma corbeille, vous êtes fou! Cela va faire toute une histoire. Je m'en charge. C'est drôle. On sait à vous qu'on les donne. On a envie de les respirer. Et comme fleuriste, on gagne beaucoup. Oh, avec les pourboires. Alors, vous êtes une fille dans mon genre. Et si je viens vous chercher un soir à la sortie du magasin pour aller dîner avec vous, vous n'exigerez pas qu'on aille chez la rue. Je ne sais même pas où c'est, mais une fois, j'ai été chez Pocardi. Eh bien, on y retournera chez Pocardi. Tant pis pour la dépense. Toutes les hors-d'œuvre. Tous, et on en reprendra. Mais quand? Ce soir, pourquoi attendre? Vous savez que j'ai l'air d'accepter tout de suite. Mais d'habitude, je dis non. C'est la première fois. Moi, je ne propose jamais d'habitude. C'est la première fois aussi. Ah, je vous dis que c'est trop bon. Il faut fêter ça. Je vous offre votre fleur. Oh, monsieur, monsieur, mais ça ne sera plus une corbeille. Vous avez raison. Pourquoi les idées? Je vous la donne tout entière. Mais je la portais chez votre mère, monsieur. Monsieur, comment? Mesdames, Messieurs, nous venons de vous présenter Colombe, comédie lyrique en quatre actes, texte de Jean Anouilh, musique de Jean-Michel Damaz. Je vous en rappelle la distribution. Madame Alexandra Jory-Boué, Colombe Lina Dachary, Madame Georges Marguerite Paquet. C'est Marc Vinto qui était Julien, Michel Sénéchal Armand, Jean Giraudeau Dubartas, Joseph Perron, La Surette, René Terrasson, Émile Robinet de l'Académie française, Louis Noguera, Des Fournettes, Jacques Gillet, Le Pédicure et Jacques Pruvot, Le Coiffeur. Le texte de présentation était de Denise Vautrin. La mise en onde musicale était assurée par Evelyne Accard, assistée de Claude Jubier. Les interprètes et l'orchestre lyrique de l'Office de radiodiffusion télévision française étaient placés sous la direction de Pierre-Michel Lecomte.